Gertrude et Véronique, roman de André Theuriet, lu par Amida Grobis pour le compte de audiocite.net, sous licence Creative Commons.org.